Bonjour. Est-ce que vous pouvez me parler de ce tract justement que vous distribuez là à l'entrée du Rouvray, de l'hôpital du Rouvray? Mais écoutez, je suis une des infirmières de l'établissement et donc on est réunis ce matin pour continuer à mobiliser, informer nos collègues et pour dénoncer les violences policières qui ont eu lieu notamment à Rouen jeudi dernier. Et on a donc eu un collègue infirmier avec le crâne fendu en deux. La manif du 9 janvier. Jeudi dernier, ouais. Ouais. Où la police a cassé le cortège en deux, voilà. Puis il a attaqué très violemment. Voilà, exactement. Et donc, c'est inadmissible. Il n'y a que de la violence de la part de ce gouvernement et du mépris pour les travailleurs et le chômeur. Et voilà, c'est pour ensemble dire non. On sait bien aussi que c'est pour faire peur aux gens qui rentrent chez eux. Et donc, on veut dire qu'on est contre ce projet de contre-réforme des retraites qui est toujours pour nous enlever le peu de droits qui nous restent. Et concernant les hospitaliers, nous avons des conditions de travail très dégradées et dégradantes pour les patients. Et moi qui suis infirmière présente dans l'établissement depuis 30 ans, j'ai 49 ans, je sais très bien qu'à 60 ans, qu'à 62 ans, je ne pourrais pas faire les 3-8. Ce n'est pas possible. Nous avons des jeunes collègues au chômage et donc en bon chemin, nos jeunes collègues. Votre prénom, c'est quoi ? Barbara. Merci Barbara. Comment on dit que je suis plus con qu'avant alors. Vous êtes une des personnes qui s'était castagnée faible, à la manif du jeudi 9 oui. À Rouen. Ouais. Attention, il y a un sapin, ça va bien. Ça va, relativement bien. J'ai pas eu de point de suture, contrairement à ce qui était annoncé initialement, parce que j'ai partiellement paré le coup, parce que le coup de matraque, je l'ai pris sur le cuir chevelu, mais il était initialement prévu pour m'arriver en plein visage au niveau du nez, de l'arcade. J'ai eu le réflexe de baisser la tête, sinon je pense pas que je serais là aujourd'hui. Voilà quoi, mais c'était dès le début de l'échauffourée en fin de compte, j'ai pris le coup, puis après ce qui s'est réellement passé, c'est difficile à dire. La seule chose, moi je me suis arrivé pas par volonté en première ligne, parce qu'ils ont quand même bloqué le cortège. On ne savait pas ce qui s'est passé à l'époque, on ne savait pas que c'était pour l'interpellation de quelqu'un. Et la seule chose que j'ai pu analyser sur le coup, c'est qu'il y avait des forces de police qui bloquaient le cortège qui défilait tranquillement, pacifiquement et dans une relative bonne humeur malgré le contexte. Et comme j'étais là devant, je leur ai demandé, comme beaucoup d'autres, de partir, que de toute façon, ils allaient devoir partir, vu le nombre qu'on était, et que ça allait être mieux pour tout le monde. Bon, après, vous êtes bousculés, vous mettez la main pour pas rentrer dedans sur leur bouclier. Après, ils racontent des bêtises comme quoi on voulait leur bouclier. Je sais pas franchement ce que j'en ferais de leur bouclier. Après, c'est un enchaînement de coups inutile, à mon sens, parce qu'en fin de compte, ils sont effectivement partis, quoi. Donc à part gazer et puis couper la manifestation, faire peur aux gens, je crois que c'était la volonté nationale, de toute façon on l'a vu. Hein. Je dis partout en France ça a été répressif. Donc moi j'étais là pour dire non, je défile tranquillement c'est loupé. Moi je suis là et ça me motive encore plus. C'est l'effet inverse. Et je crois que c'est l'effet inverse. Et malheureusement, on a vu samedi que par rapport à ça, il y avait beaucoup de gens qui avaient envie et qui étaient motivés pour en découdre avec les forces de l'ordre. Je vais pas dire que je suis pour, mais après, on peut comprendre, quoi. C'est vrai que c'était assez... on l'a vu, quoi. Les gens vont maintenant défendre les forces de l'ordre. Je sais pas qu'est-ce que ça va devenir, mais ça fait un peu peur, quoi. Cette escalade de violence et... je sais pas. Je m'explique pas tout ça. Mais ça ne me fera pas changer d'avis. Sur votre présence sur ma présence, dès le lendemain, j'étais sur les actions à Oissel, au palais de justice. Et ça m'a plus motivé qu'autre chose. Votre prénom, c'est quoi ? Philippe. Merci Philippe. Je vous en prie. Bonjour monsieur. On avait parlé l'autre jour, vous étiez blessé. Oui, tout à fait. Oui. Ça va mieux ? Oui, ça va bien, oui, ça va. Bon, vous avez retrouvé vos lunettes ou c'est d'autres ? Non, je dois les récupérer peut-être ce matin. D'accord. Voilà. Bon. C'est la CGT Énergie qui l'a normalement, dans tes locaux. D'accord. Là, j'ai essayé de porter plainte. On a refusé ma plainte. Ah oui ? Oui. Donc, j'ai... par deux fois, j'y suis allé. Donc, j'ai fait un signalement à l'IGPN. J'ai eu récépissé hier soir, comme quoi mon signalement était pris en compte et qu'il y aura peut-être des suites de données. Mais bon, c'est simplement pour le principe, parce que j'ai pas grand-chose. Mais bon, je vais pas apprécier de me faire taper gratuitement comme ça, alors que je suis un grand pacifiste. Donc c'est Daniel, pour rappeler le contexte, vous avez été matraqué sur la manifestation du 9 janvier à Rouen. Voilà, tout à fait. Là où il y a eu deux blessés assez graves. Quoi. Moi, je suis passé juste avant et j'ai eu beaucoup de chance. Bon courage. Merci.